obligé. DJ Folio, 1-1. Je suis le petit poussé, je m'installe en force et en puissance. Les blessures lentement sûrement, c'est question va arriver. 1-1. Tous les DJ d'Abidjan en live, ils sont devenus dangereux. Même ceux de Paris, eux, on parle pas. DJ Folio est là, je suis le petit poussé. Tout le monde est battu calément, tout le monde est battu collément. Ils ont clé les yeux, Yukuta. On dit Yukuta quand il rentre en boîte. Le DJ il joue un peu de zouk, il met du mapuka. Quand c'est le zouglou là on parle pas. Après il change, il rentre dans le tombolo. C'est là il devient Zaïroa, il fait le Yukuta. Yukuta, Yukuta, Yukuta. Joseph Kibuja à Washington DC, Simba Records. Yukuta, Yukuta, Yukuta, Yukuta, Yukuta, Yukuta. Allez. Et tout. Yukuta bana chembele, oui. Le lion d'Ontario. Claudie, oui. Yukuta bana chembele, oui. Yukuta bana chembele, oui. Peter Douglas. Yukuta bana chembele. Allumé. Les DJ de maintenant, ils sont dangereux. Ah, nos DJ là, vraiment ils sont mortels. Alaki Toutouya, DJ Polio, DJ Sissi, Erickson, Eric Didier, DJ Chilo, DJ Sergent, on est où là? Anani, Mixon, la tour de contrôle. Quand tu arrives en boîte, c'est toujours les mêmes morceaux. Marcel Boom. Le lion indomptable, toujours imité, jamais égalé. Asali Kikoko, Toleka, et tu es. La Gola, elle a du chagrin. Yukuta bana chembele, oui, oui. Ah, bébé Ramazani, affaire est très très grave. Le dieu infernal de mes seins, DJ Polio, DJ Kitoko, attaché à la ceinture, ça va barder. Ah, papou, ça va, on y va. Toi les gars, hein, ici DJ Kitoko, premier number one. Oya DJ Polio, papa Mixa. Soleil, si tu sais pas parler bété, faut parler chinois. Si tu sais pas parler baoulé, faut parler chinois. Si tu sais pas parler djoula, faut parler chinois. Allez, roko, toko, roko, toko, roko, toko, roko. Allez, Likichan, Wachong Chen, Likichan, Wachong Chen. Tout le monde a décalé chinois, tout le monde a décalé chinois. Roko, toko, roko, toko, roko, toko, roko. Allez, bouka, bouka, a bouka, bouka, a bouka, bouka, a bouka, bouka. A bouka bouka, a bouka bouka, hey! Où sont les boucantiers? Oh y'a DJ Polio, où sont les boucantiers? Hey! Oh y'a DJ Kitoko, bouka bouka, a bouka bouka, a bouka bouka, a bouka bouka. Tout le monde y va galoper ma, tout le monde y va galoper ma. Agri kata agri kata agri kata agri kata agri kata agri kata agri kata agri kata pom pom. Soleil, allez saut mouton, saut dindon, saut mouton, saut dindon. Tout le monde va chanter. Jet set de New York. Tout le monde va chanter. Hein, Amina, sou, Amina, soleil, Amina, tole. Et les Siba, et les Chicago, Sinawo, Amina, Tunze, Pascalina, Sinawe, Sinawe, Sinawe, hein, Amizongo, Gisme, et si je t'aime, et voilà lele, voilà lele, voilà lele, zoom, pimpin, awana zoom, soleil, hein. Oui, à tout le monde, bah moko, moko, moko, moko, gâtiment, gâtiment, gâtiment, c'est les gâtiments, hein, hein. Toi la fille là, tu n'as pas dit quand t'appelles dans le quartier là, tu fais le malin. Aujourd'hui là, tu vas de moi, tu peux parler, allez, hein, allez, moko, allez, hein, allez, moko, allez, hein, allez, moko, moko, moko, moko, moko, allez, dis donc, soleil. Tout le monde va mastibouler, tout le monde va mastibouler, tout le monde va mastibouler, à mastibouler, à mastibouler, à mastibulance, à mastibulance. Solenga, Choroka, Choroka, DJ Polio, tu vois. Rendez à César ce qui appartient à César, c'est pas petit l'homme, c'est diable. Si tu es jaloux, tu vas maigrir. Ah, mon ami, qui t'a parlé de. Sinon, tu vas maigrir jusqu'à. On va penser que t'es le sida. Oya, oya, c'est là, ce sont les jaloux. C'est là-haut, ce sont les jaloux. Les gens n'aiment pas les gens, mais nous, on avance. Soleil. C'est là, ce sont les jaloux. Oya, oya, c'est là-haut, ce sont les jaloux. Les gens n'aiment pas les gens, mais nous, on avance. Allez, avancez-moi, avancez-moi. 100 kilos, l'homme puissant de l'André.